Cantique chapitre 8. Plus à Dieu que tu me fusses comme un frère qui a sucé les mamelles de ma mère, je t'irai trouver dehors, je te baiserai, et on ne m'en mépriserait point. Je t'amènerai, je t'introduirai dans la maison de ma mère, tu m'enseignerais, et je te ferai boire du vin mixtionné d'aromates, et du moût de mon grenadier. Que sa main gauche soit sous ma tête, et que sa droite m'embrasse. Je vous adjure, fille de Jérusalem, que vous ne réveillez point celle que j'aime, que vous ne la réveillez point, jusqu'à ce qu'elle le veuille. Qui est celle-ci qui monte du désert, mollement appuyée sur son bien-aimé? Je t'ai réveillé sous un pommier, là où ta mère t'a enfanté, là où celle qui t'a conçu t'a enfanté. Mets-moi comme un cachet sur ton cœur, comme un cachet sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort, et la jalousie est cruelle comme le sépulcre. Leurs embrasements sont des embrasements de feu, et une flamme très véhémente. Beaucoup d'eux ne pourraient point éteindre cet amour-là, et les fleuves même ne le pourraient pas noyer, si quelqu'un donnait tous les biens de sa maison pour cet amour, certainement on n'en tiendrait aucun compte. Nous avons une petite sœur qui n'a pas encore de mamelles, que ferons-nous à notre sœur, le jour qu'on parlera d'elle? Si elle est comme une muraille, nous bâtirons sur elle un palais d'argent, et si elle est comme une porte, nous la renforcerons d'un entablement de cèdre. Je suis comme une muraille, et mes mamelles sont comme des tours, j'ai été alors si favorisé de lui, que j'ai trouvé la paix. Salomon a eu une vigne en bas à l'amont qu'il a donnée à des gardes, et chacun d'eux en doit apporter pour son fruit 1000 pièces d'argent. Ma vigne, qui est à moi, est à mon commandement. Ô Salomon, que les 1000 pièces d'argent soient à toi, et qu'il y en ait 200 pour les gardes du fruit de la vigne. Ô toi qui habites dans les jardins, les amis sont attentifs à ta voix, fais que je l'entende. Mon bien-aimé, fuis-t'en aussi vite qu'un chevreuil, ou qu'un fan de biche, sur les montagnes des drogues aromatiques.